إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc là on continue, c'est le cours maintenant 57. Et donc, c'est le dernier cours en ce qui concerne le volume 1 dans le livre. Et donc, on continue à la partie où le cheikh dit « Inna al-jihad fi l'islam shuri'a li'ahdafin samia wa ghayatin nabila » Ça, c'est important aussi de l'expliquer et de le clarifier. C'est que le jihad dans l'islam, il a été légiféré pour un but noble, hein, et des objectifs nobles. Il explique ça. Il dit شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سورة الأنفال. Donc premièrement, le djihad a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala pour libérer les hommes de l'adoration des diables et de l'adoration des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les fausses religions et les gens qui appellent à l'égarement et au shirk et au kufr et à l'adoration d'autres que Allah, et pour que Allah soit adoré lui seul, sans associé, sans partenaire. Et Allah, c'est lui qui les a créés en fait, et c'est lui qui leur donne leur subsistance. Et donc ça, c'est le but principal du djihad, pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas uniquement comme certains prétendent, ou certains disent que c'est pour la justice et pour combattre l'injustice et des trucs comme ça. Ça, c'est disons que la plus grande forme d'injustice, c'est le shirk. Hein? Et donc la plus grande forme d'injustice à combattre en premier, c'est le shirk billah, et qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, et d'amener les gens au tawhid. Ça, c'est la plus importante parmi les formes de justice, et l'injustice qu'on doit combattre en premier, c'est l'injustice par rapport à la foi et à l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le premier but. Et le cheikh, il mentionne un verset dans sourate Al-Anfal qui est le verset 39, qui dit « Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de shirk et que la religion soit entièrement à Allah. » En fait, le terme dans le verset, c'est « Hatta la takuna fitna » jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et ça a été expliqué, le terme fitna dans ce verset-là, comme étant l'idolâtrie, le fait d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'adoration pour autre que Allah, et que la religion soit entièrement à Allah. D'accord, donc ça, c'est le premier but pour le djihad. Ensuite, le cheikh, il dit wa shara'a Allah al-jihad li izalati adh-dhulmi wa i'adati al-huquqi ila mustahiqiha. Qala ta'ala udhina lil-ladhina yuqatiluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Donc Le cheikh ensuite il mentionne qu'un autre but parmi les buts du djihad, c'est pour enlever l'injustice. Donc ça, ça fait partie des buts du djihad, mais c'est pas le seul but et c'est pas le but fondamental non plus. C'est un parmi les buts. Le premier, on l'a mentionné, c'est combattre le shirk, et le deuxième, c'est de combattre l'injustice et de remettre les droits à ceux qui les méritent, c'est-à-dire à ceux à qui on a enlevé leurs droits. Et ça, c'est dans Sourate Al-Hajj, le verset 39, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute injustice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. » Donc ça, c'est les exemples mentionnés dans ce verset-là à ce sujet. Donc, de remettre la justice à ceux qui ont été opprimés et qui ont été chassés de leur demeure de façon injuste. Ensuite, comme troisième exemple, le cheikh il mentionne, il dit shuri al jihad li idlal al kuffar wal intiqam minhum wa id'af shawkatihim. Qala ta'ala qatiluhum yu'adhibuhum Allah qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Ça c'est dans Surat At-Tawbah. Le cheikh explique comme autre but parmi les buts nobles du djihad. Il dit que il a été légiféré le djihad pour humilier les kuffars et pour se venger d'eux et pour raffaiblir leur force. Hein, pour affaiblir leur force l'autorité et le pouvoir qu'ils ont. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 14 et 15 dans Sourate At-Tawbah, et il dit combattez-les, Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant, et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Donc ça, c'est un autre exemple de parmi les buts et les objectifs nobles du djihad. Parce que les kuffars sont des gens qui sèment le désordre et l'idolâtrie, la mécréance et la transgression sur la terre. Et donc, le fait qu'ils s'opposent aussi aux croyants et à la foi. Et donc, tout ça, ça amène en fait que lorsque les croyants font le djihad, eh ben, ils humilient ces kuffars qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et à la vérité, et ils les remettent à leur place. Hein, c'est une vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Donc parfois Allah subhanahu wa ta'ala il punit les kuffars de différentes façons. Soit il les punit par des désastres naturels, soit il les punit par des pertes dans leurs biens, ou par des maladies, ou par des désastres, ou par toutes sortes de choses, et parfois aussi par la main des croyants dans les exemples de djihad. Bien entendu, le djihad, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est avec le dirigeant des musulmans et avec son commandement, et non pas sans son autorité. Hein. Ça, c'est un détail qui est peut-être insignifiant pour certains, mais qui fait toute la différence. Le cheikh dit « Wal-qital innama yakunu ba'da tablighi d-da'wa kama kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yad'u an-nas qabla al-qital ila al-islam. » Ça c'est un point important aussi. Le cheikh il dit le combat doit uniquement être fait après qu'on ait invité ces gens-là à l'islam, à accepter l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ils commençaient toujours à inviter ces gens-là à l'islam en premier. S'ils acceptent l'islam, il ne les combat plus. Par la suite, après, s'ils refusent, il leur dit de payer la jizya, si ce sont des gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens. Et s'ils refusent, alors là, il les combat. Toutefois, s'ils acceptent de payer la jizya, alors il ne les combat pas. Hein. Et par la suite, si ce ne sont pas des gens du livre, bien entendu, s'ils refusent l'islam, ils sont combattus. Jusqu'à ce que les musulmans prennent le dessus sur eux et puis établissent l'islam dans leur pays et que la da'wah, hein, l'appel à l'islam, ait toute la liberté d'être la vérité puisse être transmise en toute liberté et que le message de l'islam puisse être enseigné à tout le monde sans que les koufars puissent faire de contraintes contre la vérité et contre les croyants. Parce que beaucoup parmi les non-croyants, parmi les koufars, ne connaissent pas l'islam. Et s'ils connaissaient l'islam, ils pourraient vouloir l'accepter. Toutefois, étant donné qu'on leur mentionne parfois on leur ment sur l'islam, on leur montre des mauvaises choses sur les musulmans et sur l'islam pour les décourager à être musulmans et pour, pousser l'opinion publique contre les musulmans et contre l'islam. Et parfois même, il y a des gens qui veulent pratiquer l'islam et être des bons musulmans, mais à cause des difficultés qu'ils trouvent dans la société et à cause des mauvaises langues des gens qui critiquent et qui insultent les musulmans et qui se moquent des musulmans, ils n'ont pas le courage d'affronter tout ça. Alors, ils restent dans la mécréance sans même penser parfois à se convertir. Toutefois, s'il y avait, on élimine ces barrières et ces difficultés, eh bien, les gens peuvent accepter par la suite l'islam en toute liberté et ils sentent qu'il n'y a pas de contrainte contre eux s'ils font ce choix-là et donc ça facilite, leur chemin vers la vérité. Donc ça c'est un exemple. Le Cheikh dit « Wal-qital innama yakunu ba'da tablir al-da'wa » et donc le combat dans l'islam c'est pas fait de façon lâche à la manière des terroristes aujourd'hui et des groupes de Khawarij qui attaquent les kuffars sans même les avertir à l'avance. Ça n'a pas rien à voir avec l'islam. Déjà, dans le djihad, il faut annoncer à l'ennemi en premier que tu vas les combattre et les inviter à l'islam. Et non seulement ça, on a vu même dans Surat At-Tawbah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une entente de paix avec les mouchriquins, avant de briser l'entente qu'il avait avec eux et de l'annuler, il est allé annoncer aux mouchriquins pendant 4 mois que dans 4 mois le contrat qu'il avait pris avec eux allait être annulé. Et on voit ça dans le début de Surat Tawbah, c'est le verset 1. Allah il dit désaveu de la part d'Allah, hein, bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Donc ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager se désavouent à l'égard des associateurs et avec qui vous avez conclu un pacte, et il dit parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Donc ça c'est pour dire que pendant 4 mois, il disait aux mouchriquins, ça y est, dans 4 mois, le pacte va être annulé, etc. Et plus loin, on voit dans le verset 4, Allah dit « Illa alladhina ahadtum min al-mushrikina thum lam yankusukum shay'an wa lam yudahiru alaykum ahadan » فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Donc on voit ici des exemples d'attitude, d'honnêteté et de justice par rapport aux ennemis, même dans les cas où on appelle à annuler le pacte qu'on a avec eux, on leur annonce à l'avance et on ne les prend pas comme ça par surprise, hein, en les attaquant sans même savoir qu'il y a une guerre. Hein. Ça, c'est comme si tu marches dans la rue avec quelqu'un et tu n'as même pas dit à quelqu'un que tu voulais te battre avec lui, et puis tu te tournes et puis tu lui fous un coup de poing dans le ventre. Eh bien, la personne, elle n'était pas prête, elle savait même pas que tu voulais te battre avec lui. Alors ça, c'est une attitude lâche. Et après, tu te montres comme si je suis fort, etc., etc. Hein? Donc, si ça vient de la part d'un kafir qu'il agit de cette façon, c'est pas surprenant parce que ce sont des lâches, ce sont des gens, des traîtres et des gens malhonnêtes souvent. Toutefois, ceux qui sont honnêtes parmi eux, ils vont jamais faire une chose pareille. Hein, s'ils ont un minimum de respect et d'honnêteté. Mais nous, les musulmans, c'est encore pire. Si on fait des choses comme ça, ça c'est encore plus laid parce que nous, notre religion nous interdit d'agir de cette façon-là. Donc c'est important de bien comprendre ça. Et ensuite, le cheikh il dit: يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام إذا لم تبلغهم دعوة الإسلام ويكاتب الملوك بذلك ويوصي قواد الجيش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم فإن استجابوا وإلا قاتلوهم وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال والله أعلم. Le cheikh il dit donc qu'on appelle, on commence par appeler les gens à l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, il appelait les gens à l'islam avant le combat. يعني إذا لم تبلغهم دعوة الإسلام. Ça c'est si le message de l'islam ne les a pas atteints auparavant. Donc avant de les combattre, il va les appeler à l'islam. Le chef il dit que ça c'est connu dans plusieurs hadiths. Quand on lit les hadiths, on constate ces choses-là. Comme le hadith de Ibn Abbas qui est mentionné par Ibn Abi Shayba. Et il mentionne ça dans les notes de bas de page. Ensuite il dit, et il écrivait au roi également pour leur informer de ces choses-là. Comme dans le hadith d'Anas, où il a écrit à Kisra et à Qaisar et à Najashi et à tous les grands rois de l'époque. Ça, c'est rapporté par Muslim dans le chapitre du djihad. Et également, il incitait les chefs de l'armée musulmane, lorsqu'ils partaient, pour appeler les gens à l'islam avant de les combattre. Et s'ils acceptaient l'appel, sinon ils les combattaient. Et donc ça montre que le but du combat dans l'islam, c'est pour éliminer le kufr, le shirk, et pour que les gens entrent dans la religion d'Allah. Et si cette chose-là peut arriver sans combat, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire le combat. Wallahu a'lam. Parce que le but c'est d'appeler les gens à l'islam et de les faire entrer dans l'islam. Donc si les gens entrent dans l'islam sans qu'il y ait besoin de combattre, dans ce cas-là on n'a pas besoin de combattre. Et c'est ça ce que les ulama ont expliqué, du fait que si on est dans un pays de kufr et qu'on a une liberté de faire le da'wah et d'appeler les kuffars à l'islam, il n'y a pas de nécessité dans un cas pareil de disons pas de nécessité de faire le djihad contre ces peuples-là. D'accord? Et toutefois, les gens qui vont faire la da'wah, pour appeler les gens à l'islam dans ces pays-là, il faut que ce soit des gens qui ont au moins une connaissance de la sharia et du tawhid et de l'islam et de la religion des kuffars, et qu'ils les connaissent en profondeur et dans les détails pour être capables de les appeler à l'islam d'une façon efficace, et non pas comme ça se passe aujourd'hui de la part des musulmans ignorants ou de certains parmi les musulmans qui ne connaissent pas les détails de leur religion en ce qui concerne les fondements et les principes, et qui ne connaissent pas non plus les détails de la religion des mouchriquines et des koufars et des gens du livre, et qui viennent vivre ici comme des gens qui veulent juste profiter et jouir de la dunya, et qui n'ont aucune connaissance, donc ils se mettent dans le pétrin et ils ne font pas aucun da'wa en réalité. Donc ça c'est une réalité qui est triste actuellement, mais bon, ça nous montre qu'il y a des problèmes à régler à ce sujet-là. Le Cheikh dit « Walil jihad ahkam mufassala mawjouda fi kutub al-mutawwala » Le Cheikh dit que dans les livres de fiqh plus approfondis, il y a des règles plus détaillées au sujet de ce qui a rapport avec le jihad. Le Cheikh il dit ensuite وَإِذَا كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوُعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَرُّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَفَرْضُ الْعَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى فَرْضُ الْكِفَايَةِ Le Cheikh il dit, si une personne a ses deux parents qui sont libres, ou un des deux parents, alors il n'a pas à faire un jihad volontaire, excepté avec leur permission. C'est-à-dire un jihad volontaire, sans la permission des parents, c'est pas permis. Une fois, il y avait des parents qui, comme le Cheikh il mentionne, il dit, il y a un homme qui voulait aller faire le jihad, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, est-ce que tes parents sont vivants? Il a dit oui. Alors il dit, dans ce cas-là, fais ton jihad en t'occupant de tes parents. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que d'être bon envers nos parents, c'est quelque chose qui est obligatoire à chaque individu musulman. Toutefois, le jihad, c'est pas obligatoire à chaque individu, mais uniquement à un groupe. Donc si un groupe le fait, c'est plus obligatoire pour les autres. Et donc, ce qui est fard ayn, il a précédence sur ce qui est fard kifaya. Comme c'est le cas de la bonté envers les parents qui est fard ayn et le jihad qui est fard kifaya. Ensuite, le Cheikh dit « وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعَيِّنَ الْقَادَ لِلْجَيْشِ وَيُنَفِّلْ مِنَ الْغَنِيمَةِ مَنْ فِي تَنْفِيذِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْجِهَادِ وَيُقْسِمْ بَقِيَةَ الْغَنَائِمِ فِي الْجَيْشِ كُلِّهِ » Le Cheikh dit que le chef de le dirigeant musulman doit désigner celui qui va être le commandant de l'armée. Et il peut également disons donner comme butin à certains individus comme il peut par exemple décider de donner une partie du butin à un individu en particulier pour le bien du djihad. Puis par exemple si certaines personnes comme des genres de personnes qui sont disons à leur compte et qui ont certaines aptitudes dans le combat et des trucs de ce genre, eh ben ils peuvent par exemple le dirigeant peut désigner une personne puis dire bon toi on te donne telle partie du butin à condition que tu vas combattre avec nous etc. et puis le reste du butin va être divisé entre les gens qui font partie de l'armée. Wala yajuzu qatlu sabiyyin wala imra'a wala rahib wala shaykh fan wa marid muzmin وأعمى ولا لا رأى لهم لا رأي لهم ولم يقاتلوا ولم يحرضوا ويكونون أرقى بالسبي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم. Le Cheikh il dit il n'est pas permis de tuer les enfants ni les femmes ni les moines ni les vieux, ni les personnes âgées, ni les personnes malades qui sont très malades et qu'ils ont une malade qui est, maladie qui va pas s'arrêter, qui va pas guérir, ou une personne aveugle qui ne voit pas et qui n'a pas d'opinion, qui n'a pas d'opinion, les gens qui n'ont pas d'opinion, les civils, les gens qui n'ont pas de part dans le combat, et qui n'incite pas les gens au combat également. Donc ceux-là seront, et le cheikh il dit, ceux-là sont pris en esclavage, en servitude. Il dit que les, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait en servitude et en esclavage les femmes et les enfants lorsqu'il les prenait. Donc ça c'est mentionné dans plusieurs hadiths, comme le hadith qui est apporté par Al-Bukhari, qui est le hadith de Miswar ibn Makhrama et Marwan ibn al-Hakam. Et le cheikh dit wa tumlak al-ghanima bil istila 'alayha fi dar al-harb wal ghanima ma ukhidha min mal al-harb qahran bi qital wa ma ulhiqa bihi mimma ukhidha fida'an wa hiya liman shahida al-waq'a min ahli al-qital bi qasd al-qital wa qatala aw lam yuqatil li'annahu rad'un lil muqatilin ومستعد للقتال فأشبه المقاتلين لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة. الشيخ il dit que on possède le butin en prenant la main dessus, en prenant le dessus sur ce butin là lorsqu'on est dans les terres des Kuffar. Ça c'est lorsqu'il y a une guerre déclarée officiellement de la part du dirigeant contre le pays, un pays des non-musulmans. C'est pas comme certains ignorants parmi les Khawarij ici maintenant qui disent qu'on est dans un pays non-musulman, donc on a le droit de prendre ce qu'on veut puis de faire ce qu'on veut. Ça c'est des égarés, des ignorants qui disent des choses pareilles. Ça n'a rien à voir avec le djihad et ça n'a rien à voir avec le butin. Ce qu'ils font c'est du vol, hein, carrément et clairement. Et c'est une trahison, comme on a expliqué. Une trahison contre l'islam et contre les musulmans. Ça me fait penser au cheikh aveugle Omar Abdurrahman, qui est en prison maintenant aux États-Unis, qui faisait une fatwa pour dire aux gens que c'est permis de faire des hold-up. Hein. Et donc, il y a des imbéciles comme ça, qui ont écouté ça et qui sont allés faire un hold-up d'une banque, et puis qui se sont fait arrêter, qui sont en prison maintenant. Et soi-disant, ils pensaient faire ça au nom de l'islam et du djihad. Et ça vous montre l'égarement et l'ignorance de ces égarés-là parmi les Khawarij. Et ça, c'est le groupe qui fait partie de ce qu'on appelle le groupe, je pense, c'est djihad, ou je ne sais pas quoi en tout cas. Allah musta'an. Al-Jama'at al-Islamiyya, ou je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est des exemples d'égarement. Ça n'a rien à voir de ce qu'on explique maintenant, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est très important de le comprendre. Le cheikh il dit qu'est-ce qui est le butin, c'est quoi? C'est les biens qui sont pris parmi les biens des gens qui sont en guerre contre les musulmans, qui ont déclaré la guerre aux musulmans ou que les musulmans ont déclaré la guerre contre eux et qu'on l'a pris ces biens-là par la force et par le combat. وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِمَّا أُخِذَ فِدَاءً مِمَّا أُخِذَ فِدَاءً. Et le cheikh il dit également qu'est-ce qui est rajouté à ça, qu'est-ce qui est rajouté à ce qui est pris par les musulmans dans le combat. Également on rajoute à ça qu'est-ce qui est pris comme rançon, hein, de la part des koufars. Parfois les koufars vont nous donner une rançon en échange de certains prisonniers ou des trucs comme ça. Nous, on va même parfois leur rendre des prisonniers qu'on a pris d'eux en échange d'une rançon, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est des exemples, des choses qui font partie du butin aussi. Et il dit, « وَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَ » C'est ceux qui ont participé à l'attaque et au combat lui-même. Parmi les gens qui font partie des combattants et qui sont venus avec l'intention de combattre, et qui ont combattu ou qui n'ont pas combattu, c'est-à-dire qui sont venus pour combattre, mais qu'ils ont participé ou non au combat. Ils font partie de ceux qui ont une part du butin. Parce que même s'ils ne sont pas, ils n'ont pas combattu eux-mêmes, ils étaient là derrière les combattants pour les supporter, et ils étaient prêts à combattre. Donc dans ce cas-là, ils sont comme des combattants. Et c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab disait, le butin est pour celui qui a assisté et qui était présent lors du combat. Ça c'est rapporté selon Tariq ibn Shihab, rapporté par Abdur Razak dans son Musannaf et Al-Bayhaqi. Et et Al-Bukhari il a un chapitre qui a ce titre là également. Ensuite le cheikh il dit wa kayfiyatu tawzi' al-ghanima an al-imam يخرج الخمس الذي لله ورسوله وهو سهمهم وهو سهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وابن السبيل وأبناء السبيل ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين للرجال سهم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم وسهم له وسهمان لفرسه لأنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه. Ensuite il dit la manière dont les butins sont distribués c'est que l'imam, le dirigeant musulman va faire sortir un cinquième pour Allah et son messager. Et ce cinquième-là, c'est la part qui sera distribuée pour les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les orphelins, les pauvres, les indigents et les voyageurs. Donc ça, c'est un cinquième pour ces gens-là. Ensuite, le reste, les quatre autres cinquièmes qui restent seront distribués au reste des combattants. Comme par exemple, il dit que la personne qui est à pied, le combattant qui est à pied, il a une part. Et le combattant qui est sur une monture, sur un cheval, il a trois parts. Une part pour lui et deux parts pour son cheval. Comme ça a été mentionné dans un hadith de Al-Bukhari et Muslim, lorsqu'il y a eu la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux combattants qui ont un cheval trois parts. Deux parts pour leurs chevaux, le cheval, et une part pour le combattant lui-même. ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائبه. Il dit que le représentant du dirigeant peut également distribuer les butins à la place du dirigeant. ويحرم الغلول وهو كتمان الشيء كتمان شيء مما غنمه المقاتل قال تعالى وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ويجب تعزير الغال بما يراه الإمام رادعا له ولأمثاله الشيخ الذكر الغلول سي انتردي سيكوى الغلول سي quelqu'un qui a participé au combat, il a pris quelque chose, mais il ne le met pas dans le butin, il le cache. Et donc, il veut s'approprier quelque chose du butin avant que le butin soit distribué. Et ça, c'est un parmi les péchés. Et il mentionne le verset 161 dans Sourate Al-Imran à ce sujet-là. Et le verset 161... ça dit un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection donc ça c'est à propos de ceux qui font ce genre de péché là et le cheikh explique que c'est obligatoire pour le dirigeant de punir c'est les gens qui font une chose pareille et ce sera une punition qui servira de leçon à lui et à ceux qui sont pareils que lui, comme lui pour ne pas qu'il recommence à faire un péché pareil. Ensuite le cheikh il dit وَإِذَا كَانَتْ الْغَنِيمَ أَرْضًا خَيَّرَ الْإِمَامِ بَيْنَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَبَيْنَ وبين وقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هذا يؤخذ ممن هي بيده. الشيخ الدي que si le butin c'est une terre, alors le dirigeant va donner le choix, soit de la diviser cette terre entre les combattants, ou bien de la mettre en waqf, hein, de la mettre en waqf pour le bien des musulmans, et il va faire sortir une part des profits de cette terre pour la donner à yani celui à qui cette terre appartient. Donc c'est quelque chose qui va sortir, qui va être continuel, une source de revenus continuelle. Et donc ça c'est une possibilité parmi les possibilités. Et le waqf c'est ça en fait, c'est tu mets une terre ou un commerce ou quelque chose, tu le donnes fi sabilillah, et les profits qui en sortent, eh ben, ils vont être utilisés pour le bien des musulmans au cours des années. Après, le cheikh il dit: وما تركه الكفار فزعا من المسلمين ومال من لا وارث له وخمس الغنيمة وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. Le cheikh il dit: ce que les kuffars ont abandonné par peur des musulmans, ou bien tout bien qui a été laissé et qui, par une personne et qui n'a pas d'héritier, ou bien le cinquième du butin, c'est-à-dire la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ça fait partie de ce qu'on appelle le fay, et il doit être distribué pour le bien des musulmans. Et ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle le fay, hein, comme certains fuqaha l'ont expliqué, c'est qu'est-ce qui est pris qu'est-ce qui est pris par les musulmans des kuffars contre ceux avec qui ils ont déclaré la guerre, hein, contre ceux contre qui il n'y a pas d'entente de paix, et ces biens-là sont pris et ils sont donnés, c'est-à-dire distribués, ils vont faire partie du fait, hein, ils vont faire partie de qu'est-ce qui doit être distribué pour le bien des musulmans. Et il y en a des gens parmi les takfirines et les djihadines, parmi les khawarij, qui essayaient d'interpréter que yani, ce qu'ils prenaient ici des kuffars de leurs biens, ça faisait partie du fait. C'est-à-dire on le prend sans combat, etc., puis on l'utilise. Et ça c'est complètement faux, yani. Parce que on doit le remettre premièrement ça doit être fait lorsqu'il y a une guerre qui est déclarée contre un peuple par le dirigeant lui-même, officiel de ce pays-là, et non pas par les groupes ou par des individus qui se disent musulmans et qui se disent soi-disant mujahidin. Deuxièmement, ça doit être fait et remis au dirigeant, et c'est lui qui va le diviser et qui va le remettre pour le bien des musulmans, et non pas que quelqu'un va le faire par lui-même et l'utiliser pour lui, comme ceux qui volent et qui prennent les biens des kuffars et qui l'utilisent pour eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ces gens-là, ce qu'ils font, hein, comme on a expliqué déjà plusieurs fois. Wa yajuzu lil imam al-muslimin aqd al-hudna ma' al-kuffar على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية وصالح اليهود في المدينة. أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد فلا يجوز عقد الهدنة. Le cheikh il dit, il est permis aux dirigeants musulmans de faire une entente de paix, un pacte avec les koufars, d'abandonner le combat pendant un temps bien précis, pour, selon la nécessité, selon le besoin. Il y a un bienfait pour les musulmans de faire un tel pacte. Il dit, ça c'est si on a le droit de retarder le djihad à cause de la faiblesse des musulmans. Et il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une entente de paix avec les koufars lors du pacte de Al-Hudaybiyah, et également il avait fait des ententes de paix avec les juifs de Médine. Donc ça montre que c'est permis, et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et le cheikh il dit que si les musulmans toutefois sont forts et qu'ils sont capables de faire le djihad, il n'est pas permis pour eux de faire une entente de paix avec eux dans un cas pareil, et ils doivent faire le djihad s'ils ont la force suffisante, ce qui n'est pas le cas actuellement, malheureusement. Bon. Ensuite, le cheikh il dit, وَإِذَا خَافَ الْإِمَامِ مِنْهُمْ نَقْضًا لِلْهُدْنَةِ أَعْلَنَ لَهُمْ إِنْتِهَاءُ الْهُدْنَةِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ. Parce que qu'est-ce qui se passe parmi les groupes des djihadiens et des khawarij aujourd'hui qui se déclarent, qui prétendent faire le djihad? Ils disent qu'ils sont forts et qu'ils sont capables de combattre. Alors que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est des commandos et des groupes de petits groupes de guérillas qui se cachent dans les montagnes ou qui se cachent dans les villes parmi les civils, et qui attaquent les ennemis soi-disant de façon lâche et traître. Et ça, ils pensent que c'est là une représentation ou un exemple de force. Et ça, c'est pas la guerre d'un peuple fort qui fait la guerre de cette façon-là, mais c'est plutôt l'exemple d'un peuple faible. Et ça, c'est la méthode des socialistes, des communistes et des koufars, yani. Et non pas l'exemple du combat selon les règles de l'islam. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça. Ensuite, le cheikh il dit, وَإِذَا خَافَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ نَقْدًا لِلْهُدْنَةِ أَعْلَنَ لَهُمْ إِنْتِهَاءُ الْهُدْنَةِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ لقوله تعالى وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا يحب الخائنين أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك. Ça c'est un point qui exprime ce qu'on a expliqué plus tôt par rapport à l'honnêteté des musulmans dans l'attitude envers les kuffars, dans le djihad et dans le combat. Il explique que lorsque le dirigeant musulman craint une forme de lorsque le dirigeant musulman craint que les koufars vont briser leur entente avec les musulmans, dans ce cas-là, il doit leur annoncer ouvertement la fin de ce pacte de paix, de ce traité de paix, avant de les combattre. C'est-à-dire, si tu crains que les koufars vont briser leur entente, alors dis-leur ouvertement que tu vas briser l'entente et que tu vas les combattre. Mais tu dois leur informer de ça, que tu dois leur informer que tu vas briser le pacte avant de les combattre. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 58 dans Sourate Al-Anfal qui dit « Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec eux d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. » Donc on n'a pas à agir comme des traîtres et attaquer des gens par surprise alors qu'on a une entente de paix avec eux. Premièrement, on doit leur informer et leur dire que cette entente sera annulée, pour que, comme le cheikh dit, informe-les que tu vas briser l'entente et le pacte pour que nous et eux nous soyons à égalité dans la connaissance de cette terminaison de l'entente qu'on a avec eux. Le cheikh il dit ensuite, et il est permis à l'imam musulman, au dirigeant musulman, d'établir une entente de dhimma, de protection pour les gens du livre et les majus, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, lorsque ils refusent de devenir musulmans et qu'ils acceptent de payer la jizya. On leur permet donc de rester sur leur fausse religion en échange, bien entendu, de certaines conditions. Le cheikh dit يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس ومعناه إقرارهم على دينهم بشرط بذلهم الجزية والتزام أحكام الإسلام لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. Le cheikh il dit donc que les juifs et les chrétiens c'est permis si, et les majus c'est permis de faire une entente avec eux. S'ils refusent de devenir musulmans, ils peuvent rester sur leur religion, qui est fausse, à condition de donner une taxe, hein, de donner une certaine somme d'argent, c'est une taxe de capitation qu'ils paient, et de respecter certaines règles de l'islam. Et ça c'est basé sur le verset 29 dans Sourate At-Tawbah. Et ce verset-là, dans Sourate At-Tawbah, ça dit « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. » Donc ça, c'est le verset 29. Donc le cheikh il dit que la jizya donc c'est une somme d'argent qui est prise des koufars dans le but d'humilier, de rabaisser les koufars qui refusent la vérité. Et c'est pris à chaque année en échange du combat et en échange du fait qu'ils demeurent parmi nous, dans nos pays. ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ومجنون وأعمى وشيخ فان ولا من فقير يعجز عنها. Donc le cheikh il dit que on va pas prendre la jizya d'un enfant, ni d'une femme, ni d'une personne qui est folle, ni d'une personne qui est aveugle ou d'une personne très vieille, ni d'une personne qui est pauvre et qui n'est pas capable de la payer. Donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit wa mata bazalul jizya wajaba qabuluha minhum wa hurima qitaluhum wa wajaba daf'u man qasadahum bi adha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on touche à un mécréant qui a une entente de paix ou qui est sous notre autorité dans les pays musulmans. Et il a dit que celui qui tuait une personne parmi les koufars qui a une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça c'est une menace contre ceux qui voudraient faire des actes pour atteindre la vie et les biens des koufars qui sont sous notre protection, ou bien qui sont par exemple en entente de paix avec nous. Donc le cheikh il dit ensuite wa wajaba daf'u man qasadahum bi adha bi qawlihi ta'ala hatta yu'tu al-jizya faja'ala i'ta' al-jizya ghayatan li kaff al-qital 'anhum ولقوله صلى الله عليه وسلم فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وكف عنهم والله أعلم. Le cheikh il dit que lorsqu'ils ont payé la jizya, c'est obligatoire de l'accepter d'eux et c'est interdit de les combattre. Et c'est interdit, c'est obligatoire de repousser toute personne qui voudrait leur faire du tort et de leur nuire. À cause de la parole du verset 29 dans Surat At-Tawbah où Allah dit حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya. C'est-à-dire après qu'ils aient donné la jizya, on n'a plus le droit de les combattre par la suite, c'est interdit. Et à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, dans le hadith de Bouraïda, où il dit « Demande-leur de payer la jizya. Et s'ils ils acceptent, alors accepte-la d'eux et cesse de les combattre. » Et ça, c'est rapporté dans, par l'imam Muslim, comme on a dit. Et le cheikh dit « Wallahu a'lam » il dit « Yajuzu i'ta'u al-kafir al-mufrad al-aman » من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين بدليل قوله تعالى فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. Le cheikh dit que c'est permis à n'importe quel parmi les musulmans de donner la protection à un kafir pour le faire entrer dans un pays musulman en sécurité si le fait de sa présence ne cause pas de tort aux musulmans. Et ça c'est basé sur le verset 6 dans Surat At-Tawbah. Et si un parmi les mushrikines te demande ta protection, alors donne-lui ta protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ensuite amène-le là où il veut aller pour être en sécurité. Donc ça veut dire que si un individu parmi les musulmans invite un mécréant à entrer dans un pays musulman, il est sous la protection de ce musulman-là et personne parmi les musulmans n'aura le droit de lui toucher ou de lui faire du tort. Et le cheikh dit « وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الْأَمَانِ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ وَلِبَعْضِهِمْ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ الرَّعِيَّةِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ لِلْأَمِيرِ في ناحية إعطاؤه لأهل بلد لأهل بلدة قريبة منه. Le cheikh il dit que c'est permis aux dirigeants d'un pays musulman de donner la sécurité à tous les mushrikins ou à certains d'entre eux s'il veut, parce que sa dirigeance est générale dans son pays et ça c'est pas pour chaque individu, c'est uniquement pour le dirigeant. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les individus parmi les musulmans qui ont le droit de faire ça, c'est uniquement le dirigeant. Ou si le dirigeant donne cette permission-là à un individu de la donner à un groupe de mouchriquines ou aux mouchriquines. Et il dit que c'est permis également à un amir, à un ministre ou à un gérant parmi les dirigeants qui est dirigeant dans une région de donner à ceux qui sont des voisins, un pays voisin, une certaine sécurité également yani, parce qu'ils sont prêts. Donc ça c'est des exemples de règles de la charia en ce qui concerne le djihad fi sabilillah. Et donc ça c'est la fin du volume 1. Alhamdulillah, on a terminé donc la section des ibadat, des adorations. Et maintenant inshallah, si Allah permet, on complétera le dars par le volume 2 qui consiste en les règles de qu'est-ce qu'on appelle al-mu'amalat, c'est-à-dire les règles qui ont rapport avec l'interaction entre les musulmans, entre les croyants, et que ce soit le commerce, le mariage, le divorce, ou tous les autres règles de la charia, comme les punitions et les autres choses de ce genre. Et le cheikh Saleh Al-Fawzan, il a répondu à quelques questions au sujet du djihad qu'on lui a posé. Ça, c'est dans un livre qui a été publié, qui fait partie de Silsilat Wasaya wa Tawjihat Lishabab, et c'est un livre qui parle de plusieurs sujets, dont le djihad. Et à la fin d'une conférence que le cheikh a donnée à ce sujet-là, c'est le quatrième jour du deuxième mois de 1424 Hijri, dans la grande mosquée Al-Jami' al-Kabir à Riyad, il a donné cette conférence sur le djihad, et à la fin il a répondu à des questions. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les questions et les réponses à ce sujet-là, puis Inch'Allah on va lire également les commentaires du Mufti, le Cheikh Abdelaziz Ibn Abdullah Al-Sheikh, à ce sujet-là également. Après la conférence, il y a eu ce commentaire du Mufti. Donc les questions, c'est As-su'al, ayyuhuma a'zam, jihad al-ilm am jihad al-sayf? La question, c'est lequel des deux est plus grand, le jihad par la science ou le jihad par l'épée? Le Cheikh, il répond, il dit Al-jawab, al-ilm awwalan. فلا بد للإنسان أن يتعلم ما يستقيم به دينه. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل. فالعلم أولا ثم يكون العمل منه الجهاد حتى يكون جهاده على علم وعلى بصيرة ولا يكون على جهل وخطأ. Le cheikh, il répond à cette question-là. Lequel des djihads est mieux? Est-ce que c'est le djihad par la science ou le djihad par l'épée? Il répond que la science est en premier. Il faut que l'être humain apprenne pour que sa religion soit en droite et correcte. Et il mentionne le verset 19 dans Sourate Muhammad qui dit « Et sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah ». Et cherche le pardon, demande le pardon pour ton péché, pour les croyants et pour les croyantes. Donc Allah ordonne de connaître dans ce verset-là. Allah a ordonné la science avant la parole et avant l'action. Il a ordonné la science avant la parole et avant l'action. Donc la science passe toujours en premier. Et il ne peut pas y avoir d'action qui est bonne sans la connaissance. Ensuite, il y a l'action. Et ensuite, parmi les actions, il y a le djihad. Donc, pour que ton djihad soit correct et qu'il soit bon, il faut qu'il soit établi sur la science et sur la compréhension, sur la bonne connaissance. Donc, tu ne peux pas le faire en te basant sur l'ignorance ou l'erreur. Deuxième question. هل السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية؟ Est-ce que le fait d'écouter et d'obéir aux dirigeants et aux responsables des musulmans, aux responsables des affaires des musulmans, est-ce que ça c'est un des fondements parmi les fondements de la croyance salafie, c'est-à-dire la croyance des salafs? Le cheikh il répond, il dit Al-Jawab, na'am, la takunu jama'atu lil-muslimin bi-qiyada wa la qiyada illa bi-sam'in wa ta'ah. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فأمر بالسمع والطاعة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. للشيخ الزي la réponse à cette question c'est que oui. Le fait d'obéir, d'écouter et d'obéir les dirigeants, ça c'est un fondement parmi les fondements de la aqida salafia. Et le cheikh il dit que il n'y a pas de groupe musulman, que ce soit qu'ils aient un chef ou qu'ils n'aient pas de chef, excepté que ce soit avec qu'ils soient avec une obéissance ou excepté que ça doit être avec obéissance et avec écoute et obéissance. Oui, c'est ça. Accepter que ce soit par l'écoute et l'obéissance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. C'est le verset 59 dans Sourate An-Nisa. Et il mentionne un verset qui est rapporté par l'imam Darimi et par l'imam Tirmidhi et par Ibn Majah également, qui dit que celui qui, hein, ça c'est le hadith de Irbad ibn Sariyah, qui dit je vous incite à craindre Allah et à écouter et obéir, même si c'est un esclave qui est à votre tête, c'est-à-dire même si votre dirigeant est un esclave. Et celui qui vit parmi vous verra beaucoup de divergences. Donc, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'écouter et d'obéir après la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a une autre question. Soual. Hal al-khuruj ala al-hukam yakounu bil-fi'l faqat am yakounu bil-qawli aydan? La question c'est, est-ce que de sortir contre l'autorité du dirigeant, est-ce que c'est uniquement par l'action ou bien ça peut être aussi par la parole? Le cheikh il dit al-jawab al-khuruj ala wilat al-umur yakunu bil-i'tiqad wa bil-qawl wa yakunu bil-fi'l wa idha a'taqada annahu yajuz al-khuruj ala wilat al-amr wa annahu la ta'ata alayhi lahum idha a'taqada hadha ولو لم يتكلم به فإن هذا خروج على ولاة الأمور وخروج على السمع والطاعة لولاة الأمور وإذا تكلم وقال إن ولي الأمر لا تجب طاعته فهذا خروج بالقول وإذا حمل السلاح كان ذلك أشد وشقا للعصا أشد شقا للعصا فهذا خروج بالفعل فالخروج يكون بالاعتقاد وبالكلام كأن يتحدث في المجالس ويسب ولاة الأمور ويقول هؤلاء ليس لهم سمع ولا طاعة ويكون بالفعل وذلك بحمل السلاح على المسلمين وإمامهم. Donc le cheikh ici il dit, oui, la réponse c'est que le fait de sortir contre l'autorité des dirigeants, ça peut être avec la croyance, ça peut être avec la parole et ça peut être aussi avec les actes. Si quelqu'un croit qu'il est permis de sortir contre l'autorité des dirigeants et que le dirigeant n'a pas aucune obéissance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obéissance qui est obligatoire envers ce dirigeant-là pour eux, donc s'il croit ça, même s'il ne le dit pas, il est sorti de l'autorité de ce dirigeant-là. Et il est sorti de l'écoute et de l'obéissance pour les responsables des musulmans. Et s'il le dit, s'il parle, et il dit que le dirigeant n'a aucun droit à son obéissance, alors là, il est sorti de l'autorité du dirigeant par la parole. Et si il a pris les armes, hein, eh bien, dans ce cas-là, il a été encore plus égaré et plus dur encore dans sa façon de briser le bâton d'autorité du dirigeant. Et donc, ça c'est le fait qu'il sorte contre le dirigeant, contre son autorité, par l'action. Et il dit que, donc, le fait de sortir contre l'autorité du dirigeant, ça peut être et aller avec la croyance ou avec la parole, comme par exemple quelqu'un qui s'assoit parmi les gens et qui dit des choses comme par exemple il insulte les dirigeants et il dit que ces dirigeants-là n'ont aucun droit à son écoute et à son obéissance, ou bien ça peut être aussi par l'action et également par le fait qu'il prenne ses armes pour essayer de s'opposer aux dirigeants et des choses de ce genre, et qu'il sort contre les musulmans avec un arme. Donc ça c'est un exemple aussi. La voie des Khawarij. Hein? Cheikh il dit. Là il y a une autre question. سؤال ما رأيكم في من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهال وال ولا راية. Donc il y a quelqu'un qui a posé la question: que pensez-vous de celui qui fait une fatwa et qui dit aux gens qu'il est obligatoire de faire le djihad et qui dit qu'il n'y a aucune condition pour le djihad, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une condition que ce soit derrière un dirigeant ou que ce soit derrière une bannière qui réunit les combattants. Le cheikh il dit la réponse à ce sujet-là: « Al-jawab, hadha ra'yul khawarij, fala budda min raya » ولا بد من إمام وهذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يفتي بأنه يكون بلا إمام ولا راية فهو خارجي متبع لمذهب ورأي الخوارج. Le Cheikh il dit la réponse à ce sujet là c'est que ça c'est la position et c'est l'opinion des Khawarij, hein? Parce qu'il dit il faut absolument qu'il y ait une bannière qui réunit les combattants et il faut absolument qu'il y ait un imam, un dirigeant qui est à la tête des musulmans pour combattre. Et ça c'est la voix des musulmans et c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a toujours été comme ça. Donc celui qui fait la fatwa et qui dit qu'il peut y avoir un combat et un djihad sans imam et sans bannière, alors c'est un khariji, un mubtadi', hein. Il fait partie des Khawarij, la secte des Khawarij, et il a suivi leur voix et leur opinion. Une autre question. سؤال: ما رأي فضيلتكم في من يستدل بعدم إذن الإمام بقصة أبي بصير رضي الله عنه؟ La question: quelle est votre opinion au sujet de la personne qui prend comme preuve pour dire qu'il n'a pas besoin de l'opinion d'un imam ou d'un dirigeant pour faire le djihad et qui se base sur l'histoire de Abi Basir radiyallahu anhu? Le cheikh il dit al-jawab: Abu Basir radiyallahu anhu laysa, ah oui, donc c'est ça, Abu Basir. Il dit: Abu Basir radiyallahu anhu laysa fi qabdati l'imam wa la tahta إمارته بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم ومن ولايتهم فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى بينه وبين الكفار فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر. Le cheikh on lui dit, ils lui ont posé la question à propos d'Abu Basir. Et Abu Basir c'est qui? C'était un musulman qui était à Mecca et qui voulait, et c'est après le traité de paix qu'il y avait entre les mouchriquins et les musulmans dans le traité de Al-Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les clauses du traité de paix, c'était que si un musulman de Mecca venait vers les musulmans à Médine pour faire le hijra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait le renvoyer aux mouchriquins. Et que si un musulman ou quelqu'un parmi les musulmans quittait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller rejoindre les mouchriquins, il pouvait rester parmi les mouchriquins. Donc ça c'était une des ententes. Et là qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Abu Basir lui il est parti à Médine pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins sont venus pour le chercher. Ils ont dit: on a une entente de paix et vous étiez entendu avec nous que si quelqu'un venait vous rejoindre parmi les musulmans de la Mecque, eh bien, vous allez nous le remettre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, donc, je vous le remets et je vous le redonne. Prenez-le et ramenez-le avec vous. Et donc, c'est ça ce qui est arrivé. Mais en chemin, si je me souviens bien, il s'est enfui des mouchriquins et il a commencé à attaquer, soi-disant, les caravanes des mouchriquins. Et à un certain moment, il avait des problèmes même avec les mouchriquine, il demandait l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je peux rien faire pour t'aider, j'ai une entente de paix avec les mouchriquines, et donc il ne pouvait pas l'aider. Donc c'est un exemple, et le cheikh il répond, il dit que la réponse à ce sujet-là en fait, c'est que Abu Basir radiallahu anhu n'était pas sous l'autorité de l'imam, il n'était pas non plus sous l'autorité du dirigeant à l'époque. Et donc il était plutôt sous l'autorité des koufars et sous le pouvoir des koufars. Et il voulait essayer de se libérer justement de l'autorité que les koufars avaient sur lui. Et il n'était pas donc parmi les gens qui étaient sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remis lui-même aux mouchriquins à cause du traité et de l'entente qu'il avait avec les mouchriquins. Et donc à cause du as-sulh, hein, l'entente qu'il avait avec les koufars. Et il n'était pas donc dans un pays musulman ni sous l'autorité des musulmans. Donc c'est-à-dire que ça ne s'applique pas le fait de dire qu'il ne peut pas y avoir de djihad sans la permission d'un dirigeant en parlant de Abu Basir, puisque Abu Basir n'était pas sous l'autorité d'aucun dirigeant. سؤال ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده هل يجوز لنا أن نجاهد تحت راية حاكم كافر أو مبتدع الشيخ il on lui a posé la question par la suite, quel est le verdict au sujet du djihad à notre époque et où est-ce qu'on le trouve et est-ce qu'il est permis pour nous de faire le djihad derrière une bannière la bannière d'un dirigeant non croyant mécréant ou bien un innovateur. Le cheikh il répond, il dit القتال إذا كان تحت راية كافر فهو ليس بجهاد إنما تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. Le cheikh il répond, il dit la réponse est que le combat peut uniquement être derrière la bannière d'un dirigeant musulman. Si c'est une bannière d'un dirigeant kafir, donc c'est pas un djihad et tu peux uniquement combattre derrière la bannière des musulmans avec le groupe des musulmans, c'est-à-dire avec les musulmans. Une autre question. Hadith al-Bukhari al-imam junna yuttaqa bihi wa yuqatal min wara'ihi. Hal huwa dalil man yaqulu bi wujubi an yaquma lil jihad imam يعقد رايته la question, il dit qu'il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira qui dit l'imam est un bouclier et derrière lequel on se protège et derrière lequel on combat. Est-ce que ça c'est une preuve pour celui qui dit qu'il est obligatoire pour le djihad qu'il y ait un imam et une bannière, un imam qui a levé une bannière ou un drapeau ou un étendard. Donc le cheikh il répond à cette question, il dit al-jawab na'am hada nass fi al-mawdu' fal-imam sitratun lil-muslimin wa yuqatil man wara wa yuqatil min wara'i hadhihi as-sitra as-sutra ولا شك أن قيادة المسلمين وإمامة المسلمين نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون تحت رايتها والإمام يقيم الحدود ويؤدي الحقوق ويبسط الله به الأمن على البلاد فهو نعمة من الله عز وجل. الشيخ الزيوي c'est un texte qui est une preuve à ce sujet du fait que l'imam est une barrière pour les musulmans. Et il protège en fait les musulmans. Et on combat derrière lui, hein, derrière ce rideau, derrière cette barrière. Et il n'y a pas de doute que le fait que les musulmans aient un dirigeant et un imam, hein, un dirigeant, ça c'est une grande miséricorde pour les musulmans. Et ils doivent donc combattre derrière sa bannière. Derrière son drapeau. Et donc l'imam, parmi ses rôles, c'est qu'il établit les règles, et le code pénal et les punitions, et il remet les droits de ceux qui ont été opprimés ou qui ont, ceux à qui on a fait une injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala permet, à cause du dirigeant, grâce au dirigeant, par le dirigeant, Allah permet qu'il y ait dans le pays une sécurité et une stabilité. Et donc ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a une autre question qui était posée au Cheikh. ذهاب البعض إلى الجهاد في أماكن متفرقة دون إذن الإمام هذا صحيح؟ Le Cheikh dit, il y a certains qui s'en vont, soi-disant, au jihad à différents endroits, sans la permission de l'imam. Est-ce que ça c'est correct? Parce qu'il y a des gens comme ça dans différents pays, soit du Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte ou autres pays, Arabie Saoudite ou autres, ils décident d'aller partir dans tel ou tel pays pour aller soi-disant faire le jihad, sans avoir la permission du dirigeant. Est-ce que ça c'est correct? Le Cheikh il répond, il dit Al-Jawab, la yajouz lahum an yakhrujou illa bi'izni l'imam, li'annahum ra'iyya, wa ra'iyya la budda an tuti' l'imam. فإذا أذن لهم يبقى أيضا إذن الوالدين ورضاهم ورضاهما في جهاد الطلب فلا يذهب إلا برضا والديه لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد فقال له أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد فأرجعه إلى والديه فدل ذلك على وجوب إذنهما بعد إذن ولي الأمر. Donc le Cheikh ici il dit, la réponse à cette question c'est qu'il n'est pas permis pour eux de sortir pour aller soi-disant faire le djihad à différents endroits sans la permission de leur dirigeant, parce qu'ils ne sont que des sujets de ce dirigeant-là, et donc ils ont comme devoir d'obéir leur dirigeant. Puis après qu'ils aient eu la permission du dirigeant, il faut encore qu'ils aient la permission de leurs parents et la satisfaction de leurs deux parents pour partir. Si les parents refusent qu'ils partent dans le jihad talab, et bien dans ce cas-là, ils doivent rester et obéir à leurs parents. Comme c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme voulait partir au jihad, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tes deux parents sont vivants? Il a dit oui. Alors il dit, fais ton jihad en t'occupant de tes deux parents. Et donc il l'a renvoyé à ses deux parents, et donc ça montre que c'est obligatoire d'avoir la permission des parents et la permission du dirigeant. Et aussi à ce sujet-là, et le point c'est que en fait il y a des gens qui disent par exemple, bon ça c'est dans le jihad de talab, mais dans le djihad difa, il n'y a pas ces conditions-là, etc. Et ils pensent que dans des cas de djihad talab, c'est absolument permis, des djihad difa, pardon, de la défense. Et ces gens-là, ils mélangent souvent entre le djihad difa et le djihad talab. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils se défendent alors qu'en réalité, ils attaquent. Attaquent des ennemis et ils disent qu'ils se défendent. Dans le sens que, ils ne sont pas en position et en situation d'attaquer, mais ils attaquent quand même. Et dans les cas pareils, bien entendu, c'est un mélange entre les deux catégories de djihad qu'ils sont en train de faire. Une autre question, السؤال, إذا كان لوالدي أبناء غيري وليس يحتاجني في شيء ولا مبرر له بعدم الإذن لي بالجهاد إلا خوفه علي من الموت فما الحكم؟ الجواب الحكم أنك تطيعه ولو كان له 100 ولد فيجب عليك طاعته والبر به وهذا فيه الأجر والثواب. Quelqu'un a posé la question au Cheikh. Et si j'ai mon père et que mon père a plusieurs fils en dehors de moi et qu'il n'a pas besoin de moi en quoi que ce soit, et Yani, il n'a pas vraiment d'excuse pour ou de raison valable pour m'empêcher de partir, excepté qu'il a peur que je meure ou des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est le verdict à ce sujet-là? Le Cheikh Al-Fawzan, il répond et il dit, le verdict, c'est que tu dois l'obéir. Même s'il avait une centaine d'enfants, c'est obligatoire pour toi de l'obéir et d'être bon envers lui, et tu auras, Inch'Allah, la récompense. Et la dernière question, سؤال, هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا نال رضا الوالدين؟ الجواب إذا أذن له الوالدان بقي إذن الإمام فلا بد من الأمرين إذن الإمام ورضا الوالدين. Quelqu'un a posé la question, il dit, si quelqu'un veut sortir, est-ce que c'est permis qu'il sorte pour le djihad sans la permission de l'imam s'il a eu la satisfaction de ses deux parents? Le cheikh, il dit non, il faut qu'il y ait, après la permission des parents, il faut qu'il ait la permission du dirigeant. Et il faut qu'il ait les deux, la permission du dirigeant et la permission des parents. Donc ça, c'est les questions qui ont été posées au cheikh. Et après, il y a le commentaire du Mufti, le Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, à ce sujet-là. Il dit, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. فقد تحدث فضيلة الشيخ صالح في هذا المقام عن أنواع الجهاد وضوابط كل نوع وماذا يلزم المسلم في هذا الشأن وهو الجهاد المتعين وما هو الجهاد غير المتعين وأجاب عن استفسارات السائلين بإجابات شرعية فيها البصيرة لمن يريد التبصر فإن هذه الموضوعات المهمة إذا تحدث عنها أهل العلم والفقه في دين الله تحدثوا عن بصيرة وعن علم وعالجوا هذه القضايا على وفق ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة فبهذا يستقيم حال الأمة إذا تلقوا عن علمائهم وذوي الفقه منهم الأحكام الشرعية وتلقوا التوجيهات النافعة التي تهديهم إلى صراط مستقيم فكم من مفت وكم من محاضر وكم من متحدث يقول ما لا علم له به ويتحدث عن من لا يدرك غايته وربما زل لسانه بشيء فأخذها عنه من أخذها واغتر بها من اغتر فعادت على أولئك بالضرر المحض فأخذ العلم والفقه يكون من أهل العلم والفقه الذين إن تحدثوا تحدثوا بعلم وإن سكتوا سكتوا عن علم وقالوا على الله بعلم ولا يكون الأمر تخرصا ولا عواطف جياشة تسوقهم بلا بصيرة ولا روية فمن سمع هذه المحاضرة وأصغى إليها سمعه ببصيرة وتأمل سيجد فيها الغاية من الاتزان والتبصر ويكون منطلقا في أموره على دليل وهدى فإن الأمة إنما وقعت فيما وقعت فيه من البلاء لما أفتى الناس من لا يعلم وتحدث من لا يفهم فهؤلاء الخوارج في عهد الصحابة في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمهم ولم يصغوا إلى علمهم فاغتروا بأنفسهم واعتدوا برأيهم وفهموا القرآن على غير فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا علم ولا بصيرة فضلوا وزاغوا عن طريق الهدى واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم رغم أن عندهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفقههم في دين الله ولكن الغرور والإعجاب بالنفس والانخداع بمن لا علم عنده أضلهم عن طريق المستقيم ولو أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغوا إلى توجيهاتهم ونصائحهم كما أتاهم ابن عباس ونظرهم حتى رجع من رجع منهم وبقي على غوايته وضلالته من ليس قصده الحق وإنما قصده الباطل والإدلال. فلما أعرضوا عن علم الصحابة وتوجيهاتهم ضلوا. وهكذا في كل زمان أو في كل زمان ومكان، إذا أعرض الناس عن توجيهات العلماء الراسخين الناصحين وأخذوا العلم عن أناس مقبلين على العلم والفتوى بلا دراية ولا بصيرة، فعندئذ يقود هؤلاء الناس إلى الهاوية ويوقعونهم في البلايا. فنسأل الله السلام والعافية، وجزى الله الشيخ بما قال خيرا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Le Cheikh explique, il dit que le Cheikh Saleh Al-Fawzan a parlé des catégories de djihad et des règles de djihad de chaque catégorie et qu'est-ce qui est obligatoire aux musulmans de connaître à ce sujet-là. Et il dit qu'il a parlé du djihad qui est obligatoire aux individus et du djihad qui n'est pas obligatoire à chaque individu, et il a répondu aux questions qui ont été posées avec des réponses qui sont basées sur la charia et basées sur une compréhension pour celui qui veut avoir la bonne compréhension et la bonne connaissance. Et des sujets aussi importants que celui-là, lorsque les gens de science et de compréhension en parlent au sujet de la religion, ils parlent en se basant sur la bonne connaissance et la bonne compréhension, et ils règlent et ils remédient à tous ces problèmes et ces questions qui ont une importance dans la Ummah, selon ce qui a été prouvé par le Coran et par la Sunna authentique. Et c'est comme ça que les choses peuvent être rectifiées dans la Ummah lorsqu'il y a des problèmes, et qu'ils retournent à leur ulama et à ceux qui ont du fiqh et de la compréhension des règles de la sharia, et qu'ils ils retournent au ulama et ils vont trouver les bonnes directives pour être guidés au droit chemin. Combien de muftis, combien de conférenciers, combien de personnes parlent sans aucune science, hein, et ils disent des choses dont ils ne maîtrisent pas du tout l'objectif, et donc quand ils parlent de ces choses-là, peut-être qu'ils vont dire des choses et que leur langue va glisser, et les gens vont prendre les choses qu'ils disent comme ça et ils vont les appliquer d'une façon incorrecte, et donc ils vont être trompés, et ça va ramener les gens à faire des choses qui vont être très mauvaises de conséquences. Et donc ça, c'est très dangereux. Et donc la science et la compréhension de la religion, ça doit être transmis par les gens de science et les gens de compréhension. Ceux qui parlent, lorsqu'ils parlent, ils parlent avec science, et lorsqu'ils se taisent, ils se taisent avec science. Et ils disent à propos d'Allah des choses qui sont basées sur la connaissance et sur la science, hein. Ils vont pas se baser sur des choses par devinette ou bien parler selon les émotions et les sentiments, comme les gens de Bid'a parmi les Khawarij aujourd'hui. Lorsqu'ils parlent des sujets par rapport au djihad et des choses de ce genre, ils ne se basent que sur l'émotion et que sur les sensationnalismes. Qu'est-ce qui se passe dans les pays? Ils vont faire des discours là-dessus pour faire pleurer les gens et ensuite pour les amener à faire des actes déraisonnables et des choses qui sont contraires à la charia au nom de l'islam. Donc ça, c'est très dangereux. Et le cheikh, il dit donc qu'il ne faut pas que ce soit basé sur ces genres d'émotions-là qui amènent les gens à faire des actes sans aucune compréhension et sans aucune référence. Après, le cheikh, il dit, celui qui a écouté la conférence, parce que nous, on n'a pas écouté la conférence du cheikh à ce sujet-là, on a en particulier écouté plutôt l'explication de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, lorsqu'il parle du djihad, mais c'est presque, disons, le même contexte, le même contenu de ce qu'il explique. Toutefois, il y a peut-être plus de détails qui sont mentionnés dans cette conférence que le cheikh avait fait. Peut-être dans une autre occasion, on aura le temps de l'expliquer, de la traduire, pour, disons, donner aux frères et aux sœurs qui veulent comprendre un peu plus cette question-là, l'occasion d'avoir plus de détails sur certaines de ces questions-là. Mais bon, en attendant, c'est juste pour savoir que le cheikh avait fait cette conférence et il dit que le cheikh Abdulaziz Al-Sheikh, qui est le mufti, dit quiconque écoute cette conférence-là et qu'il l'écoute avec compréhension et avec concentration et qu'il médite sur ses significations, il va constater qu'elle est très équilibrée et très basée sur la science et la compréhension. Et donc, en se basant sur la connaissance qu'il va prendre de cette conférence sur ce sujet-là, il va être capable d'établir sa religion et ses affaires sur des preuves et sur la guidance. Donc, il dit que la Ummah actuellement, les problèmes qui sont arrivés dans la Ummah sont uniquement arrivés à cause du fait que des gens ont fait des fatwas et ont parlé de ces sujets-là sans aucune connaissance. Et aucune compréhension. Et c'est ça ce qui est arrivé auparavant, à l'époque des Khawarij, à l'époque des Sahaba, lorsque les Khawarij sont sortis, ils n'ont pas accepté, ceux qui venaient des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la compréhension des Sahaba. Ils ont cru que leur compréhension à eux était meilleure que la compréhension des Sahaba. Donc, ils n'ont pas écouté les Sahaba, et ils se sont trompés eux-mêmes et ils ont transgressé en suivant leurs propres opinions. Et ils n'ont pas compris le Coran comme les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avaient compris. Et donc, ils ont été, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait décrit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit les Khawarij, il a dit que c'était des gens faibles d'esprit, qui n'ont aucune connaissance et aucune compréhension de la religion. Et donc, ils se sont égarés du droit chemin et de la guidance, et ils ont donc rendu licite le sang des musulmans et leurs biens, malgré que les Sahaba étaient là parmi eux et que ce sont les gens les plus savants parmi les êtres humains de l'époque et qui avaient la meilleure compréhension de la religion d'Allah. Mais ils se sont trompés. Ils se sont laissés tromper par le shaitan et ils se sont laissés éblouir par leur propre position et leurs propres opinions et leur propre compréhension de l'islam qui était déviée. Et ils se sont donc trompés et ils se sont laissés tromper par ceux qui n'ont pas de science. Et donc ils se sont égarés du droit chemin. Mais s'ils avaient pris leur science des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils avaient tendu l'oreille aux directives et aux conseils des sahaba, comme par exemple Ibn Abbas qui est allé et qui a débattu avec eux, il y a une bonne partie d'entre eux qui sont retournés avec lui, avec Ibn Abbas. Puis il y a un autre groupe parmi les khawarij qui sont restés dans leur égarement et dans leur déviation. Et ça, c'était ceux qui ne voulaient pas connaître la vérité parmi eux. Ils voulaient uniquement le mensonge et la fausseté et l'égarement. Donc, lorsqu'ils se sont détournés de la science des Sahaba et de leurs indications et de leurs conseils, ils se sont égarés. Et de même qu'à toutes les époques et dans tous les endroits, lorsque les gens se détournent des indications et des orientations des savants qui sont fermement ancrés dans la science, et qui sont des gens qui donnent la nasiha à la Ummah et qu'ils prennent leur science des gens qui n'ont pas de connaissances et qui n'ont pas de compréhension, alors ils se laissent guider par des ignorants et ils se laissent amener vers la perdition et vers l'égarement. Et ça les amène vers tous les problèmes et des exemples de problèmes comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner et de nous pardonner et de récompenser le Cheikh Al-Fawzan de la meilleure récompense et de faire de nous ainsi que de vous des gens qui écoutent la parole et qui suivent le mieux, le meilleur de cette parole, et que la paix et le salut soient sur son serviteur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ceux qui l'ont suivi et ses sahaba. Donc on s'arrête ici inshallah, puis donc on va s'arrêter ici inshallah, puis on continuera inshallah dans l'avenir la suite de ce livre inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.